Chapitre 12. Monsieur Percepied n'osa souffler mot de son aventure, et bien moins encore de l'entretien qu'il avait eu avec monsieur de Boréas. Il parut avoir oublié complètement l'objet de notre querelle, et ma vie redevint calme comme un lac paisible. Monsieur de Boréas venait régulièrement tous les mercredis passer la soirée avec nous. Sa conversation, pleine de réflexions fines ou profondes et de récits d'aventures, plaisait à ma mère, et alors autant qu'à moi-même. Il avait conservé le goût aujourd'hui si rare de la société des femmes, et se moquait volontiers des jeunes gens riches et oisifs de Rochebaron, qui passent leur temps à fumer, à monter à cheval, à bâiller, et qui se font gloire de sentir le tabac et l'écurie. En Angleterre, me disait-il souvent quand j'étais seul avec lui, on a du moins la ressource des affaires publiques ou de l'agriculture, mais ici rien de pareil. De grands jeunes gens robustes, intelligents et bien faits, passent on ne sait où les 24 heures du jour et se font gloire de bonnes fortunes dont le prix est aussi connu que celui des petits pâtés, qu'on s'étonne après cela de l'abaissement de l'aristocratie en France. Vous êtes bien heureux, mon cher Gaston Phoebus, que la pauvreté vous oblige à travailler. Un jour, vous serez, je le sens, un homme supérieur, peut-être un de ceux à qui seront remises les destinées de la patrie. Seul ou non, secrètement ou publiquement, pensez et agissez toujours comme si dès aujourd'hui, 100 millions d'hommes avaient les yeux fixés sur vous. Ayez toujours une âme héroïque. Quand même, vous ne devriez pas trouver l'occasion d'être un héros. Ne regardez jamais au-dessous de vous, mais au-dessus, et n'ayez souci que de la grandeur morale. L'autre ne tarderait guère à venir, ou si elle vous manque, vous n'en sentirez pas le besoin. La vie qui vous semble longue aujourd'hui est bien courte, croyez-en un vieillard, et quand elle sera près de s'éteindre, vous ne regretterez pas de n'avoir pas eu assez d'argent, de plaisir ou d'autorité, mais de n'avoir pas fait des actions grandes et belles. Si vous saviez combien, moi qui vous parle, je suis souvent attristé par des regrets de cette espèce, mais il est trop tard aujourd'hui. Les belles et fécondes années de la jeunesse ne se retrouvent plus. Voilà les conseils que me donnait ce sage vieillard, et en réalité la haute opinion qu'il avait de mon avenir et de mon caractère redoublait mon ardeur au travail et me relevait encore à mes propres yeux. Du reste, son amitié pour moi semblait croître de jour en jour, et quoiqu'elle fût très sincère, puisqu'il m'en avait donné des marques avant de connaître ma mère et Laure, je crus enfin m'apercevoir qu'il s'y mêlait un autre sentiment. Je veux dire que j'en remarquai avec étonnement d'abord, puis avec jalousie, qu'il était fort empressé auprès de Laure. Son âge, il avait 82 ans, rendait cet empressement si singulier et si peu périlleux que je refusais longtemps d'en croire mes yeux, et que Laure, après que je lui fais part de mes soupçons, se moqua de moi. « Mon pauvre ami, tu es un véritable Othello, tu vois des étoiles en plein midi. Certes, je serais très fier d'avoir quelqu'un à te sacrifier, mais avec la meilleure volonté du monde, cela m'est impossible. Monsieur de Boréas est un homme très sage et très sensé, qui n'a jamais fait attention à moi, excepté pour me remercier quand je lui demande le récit de ses campagnes dans les mers de l'Inde. Toi, tu es un affreux jaloux, et je m'attends à être étouffé sous mon oreiller, comme la pauvre Desdemona. Laissons cela, et lis-moi le portrait de Jean Ziska que tu viens d'écrire, car il faut que ton livre soit terminé dans 2 ans et qu'un mois après tu sois admiré de toute l'Europe. Je le veux. » Je me remettais alors au travail avec confiance, persuadé que je m'étais trompé. Au reste, les premiers soupçons de cet amour ne me vinrent que beaucoup plus tard. Pendant les premiers mois d'hiver, je pensais à toute autre chose, et je faisais fort exactement mon cours au lycée en tâchant de ne donner sur moi aucune prise à l'implacable Percepied. Au 1er janvier, nous eûmes occasion de faire encore à Monseigneur l'évêque une visite officielle, qui n'a pas grand rapport à mon histoire, mais qui fera connaître mieux que toute autre chose la noblesse d'âme de Monsieur le recteur de l'Académie de Rochebaron et aussi les égards que le clergé, dans tout l'éclat de son triomphe, avait pour ses adversaires de l'université. Monseigneur était dans un grand salon, debout, les mains derrière le dos, et appuyé à la cheminée. À droite et à gauche, il était flanqué de ses 2 grands vicaires, et suivant le mot de Martine, qui marchait à côté de moi dans le cortège, il ressemblait à Jésus-Christ entre les 2 larrons, comparaison que je blâme et blâmerai toujours, car elle n'était flatteuse ni pour Jésus-Christ, ni pour les grands vicaires, dont le seul tort était de singer de leur mieux les manières hautaines et désagréables de leur chef. Ce chef, Monseigneur Fortunat, Ses mandements l'ont fait assez connaître depuis quelques années. En ce temps-là, il était protégé du gouvernement et croyait le protéger. Monseigneur, donc, fit deux pas pour aller au-devant de nous et revint ensuite à sa place, je veux dire à la cheminée, de peur que quelqu'un de nous n'eût l'idée trop familière de se rapprocher de lui et du feu. Mais le malheureux Percepied n'avait pas une ambition si haute. Sa contenance piteuse et basse trahissait son embarras. Les deux grands vicaires s'entre-regardaient en souriant, et Monseigneur, relevant le menton pour nous regarder de plus haut, attendait d'un air impassible et superbe qu'il pût au recteur de commencer le feu. Parions, me dit tout bas Martine, que Percepied va lâcher quelques sottises. Mais par grand hasard, il perdit son pari, car le recteur se borna d'abord aux banalités d'usage. Il était heureux et fier de présenter à sa grandeur messieurs les professeurs du lycée de Rochebaron. Il espérait que sa grandeur voudrait bien garder pour nous la bienveillance dont elle avait déjà donné tant de preuves. « Attention, » dit Martine, « il commence à patauger. Dans un instant, il va se mettre, est-ce qu'il y a de pire, nous mettre aux genoux de ce prêtre ?» Monseigneur Fortuna ne se possédait pas de joie et d'orgueil. Il effaçait les épaules comme un colonel de cavalerie qui passe en revue son régiment. Il avait d'ailleurs quelque chose de l'air et des manières d'un cuirassier. Les cheveux roux, les yeux hardis, une haute taille, des épaules larges et l'assurance que donne l'habitude de ne parler qu'à des subordonnés. Quand le recteur eut achevé sa courte harangue, Monseigneur Fortuna répliqua d'une voix vibrante et sonore « Monsieur le recteur, messieurs, je sais reconnaître les louables efforts que vous faites pour vous rendre digne de votre tâche. Vous avez raison de compter sur ma bienveillance. Elle vous est assurée tant que vous resterez, comme je l'espère, dans la voie droite, hors de laquelle il n'y a ni salut ni dignité pour personne. Aimez notre mère la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Aimez-la si vous voulez faire votre salut dans l'autre monde. Et j'oserais presque dire si vous voulez faire votre chemin dans celui-ci. » Ces mots furent prononcés avec un sourire dont rien ne saurait rendre l'ironie et presque l'insolence. Les grands vicaires avaient l'air de se dire comme il a bien rivé leur clou à ces gens de rien. Après une pause, il reprit « Moi aussi, messieurs, j'ai de bonnes nouvelles à vous donner de la prospérité de mes petits séminaires. Celui de Rochebaron a doublé depuis 3 ans. Nous ne savons plus où loger nos élèves. À ce propos, monsieur le recteur, je suis heureux de vous apprendre qu'on est très content de votre fils Eugène. C'est un charmant garçon qui travaille très bien. » Sous ce dernier coup, Percepied baissa la tête. Ce malheureux, pour obtenir les bonnes grâces de l'évêque, avait eu la bassesse d'envoyer son propre fils au petit séminaire de Rochebaron, et Monseigneur Fortuna se faisait un malin plaisir d'annoncer à toute la ville que les études étaient si faibles au lycée ou si fortes au petit séminaire que le recteur lui-même, meilleur juge que qui que ce soit de l'éducation et de la discipline, n'avait voulu confier son fils qu'à des mains ecclésiastiques. Percepied balbutia à demi-voix quelques paroles embarrassées que l'évêque feignait de prendre pour un remerciement. Là-dessus, sa grandeur daigna nous congédier, et le recteur, tout troublé, allait tout droit vers la chambre à coucher de Monseigneur lorsqu'un des grands vicaires s'avança pour le remettre dans son chemin et lui montra de la main la porte et l'escalier. Au reste, sans vouloir l'attendre ni saluer l'évêque, la plupart des professeurs étaient déjà descendus, indignés des affronts qu'elles les exposaient la lâcheté de leur chef. « Quelle face de laquais !» me dit Martine quand Percepied passa près de nous. Percepied se retourna et nous regarda de travers, mais tout le monde était si indigné de sa bassesse qu'il n'osa relever le mot et se fâcher. Il feignit de n'avoir rien entendu. De l'évêché, nous allâmes chez le procureur général. Celui-ci était en froid avec l'évêque, vieille tradition des parlementaires. Aussi l'accueil, sans être cordial, fut marqué d'une protection bienveillante. Évidemment, monsieur le procureur général voulait nous rassurer. Il se serait même, je crois, familiarisé avec nous s'il n'avait craint qu'on lui rendît l'appareil. C'était un homme de haute taille, de figure maigre et allongée, d'éloquence médiocre, d'esprit plus médiocre encore, un bon avocat de 6e ordre, du reste plus poli et mieux élevé que la plupart de ceux dont le métier est de demander à 12 jurés la tête d'un pauvre diable de parricide. Il avait commencé brillamment sa carrière sous Charles X, l'avait continué brillamment sous Louis-Philippe, s'était éclipsé prudemment pendant 10 mois de République, avait reparu avec éclat après le 10 décembre 1848, et se promettait bien de terminer ses jours sur un fauteuil de la Cour de cassation. Son attente n'a pas été trompée. Il est aujourd'hui conseiller et rend le pain béni à l'église Saint-Eustache, Vous le trouverez tous les dimanches à la messe de 10 heures, assis sur la troisième chaise du quatrième rang à partir du second pilier de la nef. C'est ce grand monsieur chauve et grisonnant que le bedeau salue avec respect et qui donne 10 centimes au prêtre quêteur. Ce magistrat austère et bienveillant, sévère mais aussi juste que le fameux Pédeloup, nous attendait, debout comme monseigneur, et écartait devant la cheminée les basques de son habit afin de se chauffer plus à l'aise. Soit qu'après l'accueil que nous avions reçu de l'évêque nous ne fussions pas exigeants, soit qu'en effet le procureur fût plus aimable, et en vérité ce n'était pas difficile, ses manières ne nous déplurent pas. Mais je dois dire que son discours surtout eut le plus grand succès, et qu'il fit la joie de tout le corps enseignant de Rochebaron pendant tout un trimestre. Le voici, ce discours mémorable. Après que M. le procureur eut fait un salut gracieux à la ronde et serré la main du noble percepied, il s'exprima en ces termes. « Messieurs, je suis heureux de vous voir autour de moi. J'ai toujours aimé l'université. Cela me rappelle que j'ai connu autrefois deux frères. Ils s'appelaient, je crois, Durand, et ils étaient professeurs. Oui, ils étaient frères et professeurs. » Il y eut une pause. On écoutait l'orateur avec respect. « Oui, » dit-il, en reprenant son discours. « Le plus âgé s'appelait Durand l'aîné, senior, comme vous dites, messieurs de l'université. Le plus jeune s'appelait Durand... Attendez donc, Durand... » Nous attendions en effet avec anxiété la fin de cette intéressante histoire, mais cette fin ne venait pas. Tout à coup, le recteur eut une idée lumineuse. « Durand junior, peut-être » dit-il d'un air doux et insinuant. « Non, non, » répliqua le procureur général avec quelque impatience. « C'était un nom très singulier. Ah, le voici, Durand Turiaf Bonaventure. Tous deux étaient de très honnêtes gens. » Ici, pause nouvelle. Tous en robe, debout, la toque à la main, le sourire sur les lèvres. Prêts à trouver admirable tout ce que monsieur le procureur général allait dire, nous attendions encore, silencieux et retenant notre souffle, de peur de perdre un mot de ce discours. Le magistrat, embarrassé, se dandinait, cherchant une inspiration. « Je les estimais beaucoup, » dit-il enfin, « et je les voyais assez souvent. Je les verrai encore si... » « Est-ce qu'ils sont morts ?» demanda Percepied avec intérêt. « Et pourquoi seraient-ils morts ? » répliqua le magistrat d'un air hautain. « Je ne sais pas, moi, » dit Percepied, intimidé. À cette réponse naïve, tout le monde éclata de rire. Le procureur général se hâta de serrer la main du recteur, celui-ci se hâta de sortir, et nous nous hâtâmes de le suivre, car la gravité des deux corps les plus sérieux de France était terriblement compromise. Ce serait perdre du temps que raconter les belles choses que Percepied dit au préfet, les choses plus belles encore que répliqua le préfet, qui était baron du chef du Premier Empire, homme assez aimable du reste, et sans méchanceté, ou le tête-à-tête que j'obtins 3 jours plus tard de Madame la Baronne, et qui ne tourna pas à mon avantage, car la noble dame, qui avait daigné me recevoir dans son salon et me tenir compagnie, me prenant pour un grand personnage, le domestique avait sans doute mal prononcé mon nom, ou bien elle s'était imaginé que j'étais le petit-fils et l'héritier du fameux Gaston Phébus, comte de Foix. La noble dame, dis-je, s'apercevant qu'elle n'avait affaire qu'à un simple latiniste, remit dans sa gaine le charmant sourire qu'elle avait bien voulu en tirer pour moi, et prit un air si sérieux, et commença à bâiller avec tant de franchise que j'eus à peine le temps de prendre mon chapeau, de saluer et de sortir. Ces choses-là sont connues de tout l'univers, et me laissaient d'ailleurs assez indifférent, car mon bonheur intime ne dépendait ni du préfet, ni du recteur, ni du procureur général, ni de l'évêque. J'aimais, je me croyais aimé, que pouvais-je demander de plus? Mais le temps de l'adversité était venu, et mes vrais malheurs allaient commencer.